Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Nos amours sont toujours là avec nous, même nos amours qu'on a oubliés. Ils sont toujours là avec nous. Elles sont toujours là avec moi. Il y a des centaines de femmes avec qui j'ai fait l'amour. Qui chaque nuit avant de se coucher avec n'importe quel mec pense à moi. Oui. Je m'appelle de cette voix chaleureuse. Moi. Des fois, les femmes, elles ont des voix très graves. Bon. L'amour. L'amour, c'est notre terrain. Il faut qu'on défende l'amour, tous ensemble. Pour défendre l'amour ce soir, je me suis décidé à chanter une chanson. Non, mais ça va passer. Comme une lettre au fax. On y va. Un robe de cuir comme un fuseau, cœur du chien sans faire exprès, et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit, comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. Et c'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas de rein, ce jazz qui jazze dans le noir, et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, ce mec qui joue de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie, et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon, et puis cette chair qui vient troubler l'archer qui coule ma chanson. C'est extra, et sous la voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Cœur du chien sans fait exprès, et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les mots des blues qui s'en balancent. C'est rempli qui ne peut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. La vaisselle. Ma belle vaisselle d'ivoire. D'ivoire. Faut y voir l'ivoire. Là. C'est quelque chose en voie d'extinction. Ben, c'est plutôt les éléphants. Hein? Vous savez ce qu'ils font avec les éléphants? Ben, en fait, on se trompe énormément en s'imaginant. Non, on s'imagine jamais assez. Puis là, il y a cette fois, c'est parce que tu voulais faire quoi? Ben, je voulais dire bonjour au public. Oui, bonjour public. Bonjour, c'est Kaérélien, c'est Kaérélienne. Amis, amis. Ah, fais-tu beau? Il fait-tu? Non, il fait beau. Il fait beau, amis, amis. Oui. Oui. Non, parce que c'est la réverbération. Avant que ça... Non, mais madame, faites-vous-en pas, là. J'émane. Oui, ouais. J'égueule pas, moi, j'émane. Elle comprend pas. Comprends? Ouais. Regardez-moi pas, madame. Surtout, faut pas... Parce que vous allez vous... vous allez vous... vous rendre dans une certaine absurdité... Queneuillesque. Comment ça, queneuille? Ben oui, les tu sais, les petits queneuilles. Ah, les yeux, ben oui! Ça va virer à l'envers. Ça va coller vers le haut. Sentez-vous les deux yeux qui collent en haut, là? En fait, c'est les deux boules noires. Ben non, ça s'appelle l'iris. L'iris en l'air. Là, vous regardez. Ça, c'est avant de te tourner l'œil. C'est quoi la chanson de Jean-Pierre? Avant que l'hiver tourne l'œil, non, c'est je reviens chez nous. Et à Paris, on va partout, avant que l'hiver tourne l'œil. Ben, c'est pas ça du tout, là, c'est avant que l'hiver. Ah oui, merci, la souffleuse. Ouais, continue à souffler, on t'aime comme ça. Ouais. Non, il y a la pompeuse puis il y a la souffleuse. À droite, c'est la souffleuse, puis à gauche, c'est la pompeuse. Bon, là, en début d'émission, souffle-moi, puis à la fin, tu me pompes pas l'air, parce que il va manquer d'oxygène. Puis il faut que l'hydrogène soit plus fort que le pathogène. Ben voyons donc, le pathogène, oui. Et hey, toi, ta formation scientifique, j'allais dire médicale. Oui, médicale, oui, effectivement, monsieur. Attends, ben, c'est moi-même qui viens te le dire. C'est qui? Ben, c'est toi. Ben, c'est moi. Oh oui. En fait, je suis les mêmes personnes. Ouais, je suis racolé à la même bouche. Le cerveau, là, ça vient du même pseudo-individu. J'ai dit pseudo-individu. On cherche encore, là. Avec notre loupe à la... Non, pas la chanteuse Shella, là. Sherlock Holmes. Vous savez, l'anglais, là. Yes, sir. Hey, c'est comme... C'est vrai, on a un anglais ce soir à mon émission. Pour la première fois, j'ai communiqué avec un anglais. Je suis bilingue, ça, là. J'ai tout compris ce qu'il m'a dit. Ouais, mais il t'a parlé en français. Non. Hey, y a un anglais qui parle français. Ouais, y en a d'autres, ouais. J'ai jamais vu sur la planète, là, un Anglais qui parle français. Et avoue-le donc que j'ai eu trois flamèches du Saint-Esprit. Non, c'est des flammes. Mais des flammes, des flamèches. Moi, c'est tout petit, hein. C'est toujours tout petit. Dans ma vie, c'est tout petit. J'ai une toute petite vie. Une toute petite existence. Un tout petit bonheur. Un tout petit mal de cœur. Oh, un tout petit sommeil. Oh, je vais manger, mais un tout petit peu. Mais je ne vais pas déranger. Je suis tout petit, tout petit. Ouais. Je me suis fait tout petit devant des fruits d'une gueule à gouge. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui dit maman quand on la coupe. Ou chante. Oui. Je vais faire la basse comme Brad Scott. Brad joue de la basse. Non, je. Brad, je ne te brade pas. Je te brade pas. Non, essaie de m'oublier, tout peut s'oublier. Les connards comme moi s'oublient déjà. Oui, je sais, c'est un malentendu. Mais tu verras, quelquefois, dans des chemins outrageux, se cachera quelques petits Québécois. Brad Scott, oublie-moi, Brad Scott, oublie-moi. Hein? On a vu ces succès, là, l'argent va tomber. On a vu. Les gens aiment bien le silence après. Ça leur suscite l'émotion. Susciter, amener. On a vu. Oui, mais on a, qu'est-ce qu'on a vu? On va regarder ensemble, OK? Reste pas, là. Hein? On va se calmer, là. Prends un petit verre d'eau, pas de glace. Non, je te conseille pas de verre, non. Dans le creux de ta main, laisse-moi devenir l'ombre de ton... Il lâche pas? Non, on lâche pas. Faut pas lâcher dans la vie. Ça me vient... Il y a cette phrase, non, cet homme qui me vient à l'idée. Mais monsieur le juge, je me souviens plus de son nom. Un homme de 88 ans, 89 ans, là. Un penseur. Libre penseur. C'est très rare. Un libre penseur. Et quand on dit libre, là, il pouvait dire ce qu'il voulait. Un polémiste également. Pas la même chose, là. Ben c'est oui, c'est libre et polémiste. Hey, ça, là. C'est un champ très large vers des idéologies des plus exceptionnelles. Et j'aimerais bien me souvenir de... Est-ce qu'on peut aller voir sur Internet, madame? On n'est plus branché. On est en basse-cour. Ah, mon dos. En valse-clos? Non, c'est en basse-clos. Quoi, la valse? Ah non. La valse a mis le temps. Okay, bon. Alors, j'ose pas imaginer... Et ça, c'est bon, ça, dire ça. J'ose pas imaginer pour un être de langage, un orateur propageur d'idéologies des plus extraordinairement singulières. Oh, t'as un peu la conjugaison, madame, on peut sur... je trouve tout à fait louange, tu m'entends, Louis? Imaginez-vous, Louis qui entend très peu ou mal, sa mère doit s'en... Oui, hein? Vous dites quoi, ça? Oui, elle est sans sommeil depuis 3 ans. Ben oui, mais c'est pas de sa faute. Elle voulait l'appeler Roger. Là, elle a dit Roger, Louis, Louis, Roger, Roger, Louis, Louis, Roger, hein? Puis là, il y a eu Soldat Louis, puis ben Soldat Louis, c'est aussi mon ami Brad Scott. Hein? C'est pas n'importe quoi, là, hein? Là, on zigzague, on arrive vers le même personnage. On aime ça, en 2013, des personnages. On en veut. Ça nous amène des effervescences intellectuelles exceptionnelles. On veut pas non plus des pauvres. Quoi, des pauvres mecs? Des pauvres mecs, des pauvres gonzesses qui sont tout petits, là, dans leur petit monde, dans leur petit chez-soi, dans leur petite routine, dans leur petite singularité, dans leur petit monde obscur, sans éclairage artificiel. Quoi que moi, attention, madame, je préfère l'éclairage à artificiel, parce que dans artificiel, il y a art, hein, c'est artistique. Tandis que quand c'est naturel, ça part au galop. Puis moi, faire du cheval, j'ai eu un cheval, madame. Oui, ben encore Brel, oui. Quand j'étais cheval, ben oui. J'étais un cheval mal rayé. Mais on m'a pas pris pour un zèbre. Puisque j'avais pas de pyjama. C'est intéressant de savoir pourquoi les hommes mettent son pyjama. Quand les enfants me disent pompon, c'est pas pompon. Pompon tonton. Non, non, c'est pas pompon tonton. Non, non, non, non, non, non. C'est. c'est M. Gagné. Oh, man, comme à l'école. À l'école, certains professeurs qui voulaient de l'autorité ne voulaient pas se faire appeler tes culs, tes ouelles, enfant de pipus. Ah, pipus, pipus, oui, le petit pipus. Ah, oh, mon Dieu, les pipus fait son chemin. Le pipus fait son chemin. Le pipus fait son roman. Le pipus écrit le roman de sa vie. Il n'y a plus d'écho. Il n'y a plus de béco. Il n'y a que des petits bécos. Oh, c'est beau. Vendredi, première émission du vendredi. Je suis heureux. Et vous, madame? Ah, oh, mais moi, je l'étais avant. Avant quoi? Avant de l'être. Heureuse? Ah, oui, oui. Ah, c'est bien, ça. Être heureux avant d'être heureux. Ah, j'ose pas imaginer. Mais oh, imagine un peu, c'est ton travail pendant 2 heures. Et c'est... Vous savez, madame, j'aime bien votre persuasion. Parce que c'est pas faux. C'est pas con. C'est pas sans conséquence. Alors, nous serons ce soir, madame, mademoiselle, les autres, là, Mais les messieurs. Ben non, non, les autres, là. Mais non, les autres, on sait pas. Ben oui, on y va. C'est eux, c'est eux, c'est eux. Ah, mon Dieu, pas trop de poules, là, parce que moi, 2 œufs, pas miroir, s'il vous plaît, 2 œufs miroir. Dis-moi qui est le plus beau. Ben, c'est pas toi. Oh, mon Dieu, Seigneur! J'ose pas imaginer. Ben, vas-y, imagine un peu, toi. Mets-toi l'engrenage en action. Fais comme les films de Lelouch. Comment il fait? Comment Lelouch fait? Comment Lelouch fait pour loucher? Non, on en a parlé il y a quelques semaines. Claude, Lelouch, il dit action, mais jamais terminé. Hein? Il a coupé. Non, c'est pas terminé dans le milieu du cinéma, madame. Vous connaissez pas ça? Ben, j'ai fait quelques apparitions mais je lavais le plancher. Hein? Alors, les comédiens étaient debout. On voyait peut-être un petit derrière, là, c'était moi. Êtes-vous certain, c'était vous? Enfin, on voyait un moyen derrière. Non, non, c'était pas vous. Mais on voyait un gros derrière, c'était le mien. J'étais toujours par derrière, parce qu'on m'a dit, placez votre derrière vers derrière. Ben, j'ai dit, heureusement, parce que le derrière vers le devant, ce n'est plus le derrière, là, c'est mon visage. Hey, c'est vrai, on n'a jamais différencié ça de vous, madame. Lorsque vous êtes à quatre pattes, là, vous nettoyez. Là, on ne sait pas si vous êtes derrière ou devant, devant ou derrière, derrière ou dessus, dessous ou dessous. Êtes-vous malade? Un petit peu. Un petit peu, puis je me place dans le four à chaque 15 minutes à 250. Je m'arrose. C'est quoi ça? Ben, c'est quand je m'arrose. Oh, OK, ça brûle. Ben, voyons donc. J'ai la peau à fleur de peau. OK. J'ai la bretelle à fleur de gazelle. Oh, mon Dieu, Seigneur! Comme disait Guy, mon Dieu, c'est dur à vous dire, après avoir placé de la colle à prothèse, que Dieu le prothèse, enfin, que sa prothèse le prothèse, qu'elle ne tombe pas, elle reste encore bien collée pendant 135 minutes. Ça va bien? Oui. C'est encore la colle qui... Excusez-moi. Là, votre public écoute ça, là. J'aimerais savoir, mon cher, que s'imagine-t-il de vous? On l'a fait, c'est bon. Le bongi bongi bongi bongi bong le comme disait Guy, les copains de bord. C'est bon, hein? C'est champion, ils ont pas compris. Mais voyons donc. Comme disait Guy, les copains de bord. De bord, c'est pas Brassens, ça? Oui, c'est une allusion à Georges. Mais Georges, c'était les copains d'abord. Mais moi, dans ma tête, dans mon cervelet, là, où est semé l'écho à l'unisson, OK? OK, ça va bien, OK, OK, ça va bien, OK, OK, oui, oui. Comme disait Guy, les gens le savent, ils vont dire la réplique. OK, tout le monde ensemble, madame, placez-vous derrière. Derrière l'écho. C'est bon, ça. Par où ça va passer? Ben, vous savez, quand on tire, comment t'appelles ça? C'est pas un freeze la bite, là. C'est un boomerang. Je fais des lignes en boomerang. Non, c'est pas ça. La chanson de Gainsbourg, c'est boomerang, là, mais c'est pas cette version-là. Mais, les copains de bord. Dans un monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. De Guy Debord, extrait du La Société du spectacle. Pour savoir... Non, mais... Public. Je dois distraire autant le profane intellectuel que le manuel, que le synthétique, que le naturel irrégulier, que le spirituel spiritualisé, le spirit, hein? Les deux spirits, les noix chinoises, mayonnaise, bacon, oignons frites, oignons, beaucoup d'oignons, mets-moi-en des oignons. Non, non, mais savez-vous pourquoi, madame, j'utilise beaucoup d'oignons dans ma vie? Parce que j'ai de la langue qui sèche rapidement. Là, quand quelqu'un me parle, là, puis je me dis « OK, ça, ok c'est le temps d'émotion. » Là, je me place dans ma petite poche deux, trois oignons, puis là, je me place ça devant le visage. Là. C'est des larmes qui coulent. Là. Oh, c'est vrai. Il est mort. Oh, comment tu fais pour vivre sans lui? C'est voyant. C'est atroce. Puis là, Rita répond « Ben voyons donc, c'est juste un poisson rouge. Ben oui, juste, ben, on s'attache à ces petites affaires-là, hein? » Mon épouse, lorsqu'elle m'a quitté, elle m'a dit « M'ennuierai pas de toi! » Moi, je me dis que pour toi, ma belle adorée, c'est peut-être autre chose. Ah non, c'est la même chose, je m'ennuierai pas de toi. Bon, il y a personne qui va s'ennuyer de moi. Oh, oh, une belle tristesse. Pour savoir écrire, il faut savoir lu. Il faut savoir lu, le poilu et le repoilu. Quand tu te rases pas, cherche pas le poil, puisqu'il est là. Hein? Non, c'est pas ça. La citation, ouais. Ouais, mais je me suis... Ouais, à moi-même, oui. Ça m'a... ouais. Madame... On arrête pas, on continue. Bravo. Vous avez maigri, hein? Ça vous fait bien. Ouais, ça vous fait très bien. Quoique j'aimais bien vos belles joues, là. Ça. Je me suis dit, c'est comme l'écureuil à conserve des... Hein? Ouais. Ouais, non, ben le Suisse, c'est la queue, puis vous, c'est les bajoux. Ouais, le Suisse, c'est moi, puis vous, c'est les bajoux. Quel beau duo, hein? Je t'aime moi non plus? Quel joli thème. Oh, ouais, c'est pas le moment. OK, on l'arrête. Oh, arrêtez donc. Hein, pardon, excusez-moi. Alors, pour savoir écrire, il faut avoir lu. Et pour savoir lire, il faut savoir vivre. C'est de qui, madame? C'est de qui? C'est pas de Kid, de Charlie Chaplin? Non. J'ai dit, c'est... Quelle personne a écrit ça? Quel intellectuel? C'est Guy Debord. Ben, c'est ça, c'est Guy Debord. Bravo! Alors, donc, Monsieur le Président... Avez-vous entendu le pont? On s'est comme branché sur l'écho. Monsieur n'est pas trop catholique. Mesdames les voluptés. Volu petit, reste pas comme ça dans le noir. Vous, chère résidente impudique, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Arrête l'écho, ça me fait... Ouais, à l'occasion de mon anniversaire, il y a 3 semaines... Oh, oui, on m'a acheté du champagne. C'est des sinusites à profusion. J'ai bu du champagne. OK, j'ai bu du champagne. Excuse-moi, ça va bien, oui. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quoi, ma gueule? Non, non, c'est pas ça que j'ai bu, moi. C'est pas ma gueule, c'est du champagne. OK. Et puis, oui. Ah non, on coupe pas encore, là. Les gens savent pas ce que ça veut dire. Non, mais ils s'en doutent, hein? C'est tes petits écouteurs. C'était tes écouteurs que j'avais ramassés. Il était tout en pleurs sur le bord du... Ah, oh, bravo. Alors, c'est gueux, champagne. Je joue pas avec mes nergueux. Et c'est ça, hein? On recommence. C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord du fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à prier. Mais je ramasse mes mains. Gueux. OK, les écouteurs ont pété gueux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on va continuer. Parce que c'était bon, hein, le début de l'intro. Ben oui, ben oui, ben oui. L'absurde aventure s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons le chemin narratif. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Voit tritinérant l'engagé rénal de gagner. Et gueux. J'appelle gueux. Ouais. Ouais. L'été, c'est normal d'avoir des sudzites. Ben, l'hiver, c'est un peu plus rare. Moi, c'est à la poussière. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous proposez rien. À tout et à rien. Ainsi soit-il le matin, toujours. Je vous salue, Marie-Paul. Est-ce que le pape a été élu? Oui. OK. C'est pour ça que... C'est qui? C'est lui. Ah, Mandora, c'est lui. Bravo. Aujourd'hui, le vendredi 19 avril 2013, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du chanteur Brad Scott, c'est un chanteur-compositeur, musicien. Bassiste. Homme à tout faire dans la musique. Peut-être le reste à venir. On verra. Pour un Anglais, il s'ouvre vers des infinis. Des infinis. L'infini, l'infini. Après une solide formation de musique classique, il se noie dans le punk à 15 ans. Quand tu te noies dans le punk à 15 ans, là, ben, tu ne te noies pas à 16 ans. Oh, c'est bon, ça. Merci beaucoup. Son adolescence le plonge. Hey, c'est vraiment... Non, mais ça vient de ma tête, moi, là. Il y a trop de cheveux là-dessus. Il faudrait que je me la fasse couper. La tête? Non, la chevelure. Là, je vais demander d'avoir la version ping-pong-ping. Ça veut dire quoi? Reviens, repars, reviens. Ça me fait penser à une chanson de Bachung. Son adolescence le plonge dans l'univers du glam rock. Et ça, le glam rock. J'aurais aimé aller voir des photos de lui en glam rock. La jupe rose vif, là, avec des froufrous. Froufrou, froufrou, quand tu es dans glam rock. Froufrou, froufrou, tu es beau comme un fou. Et puis donc, là, les gens ont ri de lui pendant bien des années. Son adolescence le plonge, on le dit. En 85, il quitte Londres pour rejoindre la scène française. Enfin, à Paris! Il joue avec Renaud, puis avec Arthur Ashe. Brad Scott compose pour Arthur sur scène. Il chante Léo Ferré, nous l'avons entendu tout à l'heure. Les classiques comme « Les premiers pas ». Il accompagne ensuite Bachung dans sa tournée Les Grands Espaces, puis Higelin. Parallèlement, il fait partie du Ukulele Club de Paris et crée le Serge Gainsbourg Experience, dans lequel il a le rôle du chanteur. Après ce long chemin, c'est seulement en 2011 qu'il sort en tant que chanteur Brad Scott Ier, suivi de l'album Au Bordel, février 2013, qui comprend entre autres le titre Pif. Paf, pouf. Merci, mes écouteurs sont revenus. Ben, comment ça, vous êtes partis, vous autres? J'avais juste un petit côté gauche. Je me suis dit, voyons, il manque quelque chose. Mon cerveau est comme déséquilibré. Ben, c'est tout à fait normal. L'émission l'exige. Ben, comment ça, l'exige? Quand j'ai signé, madame, mon certificat, voyons non, c'était un cas. Oui. Ouais. Ouais, j'avais pas de crayon, j'ai pris, ouais, je sais. J'ai dû, madame Thibodeau, me faire mal, me faire souffrir pour qu'elle puisse jaillir de ce doigt du sang. Ouais, c'est Jean-Paul... Non, c'est pas Jean-Paul, c'est Sade. Jean-Paul Sade. Ah, oh, c'est le pervers. Non, c'est pas Jean-Paul. Sartre, c'est Sade. Le marquis de Sade, Sade. Lui aussi avait signé avec son sang. Quelques créateurs. Dans mes moments, dans les moments, si tu vois, dans les moments difficiles. Et quoi, les moments difficiles, il y en a des moments difficiles. Voyons donc, il fait froid dehors, là. J'ai comme la bouche paralysée. C'est normal. Non, il y a rien d'anormal. Oui, tout ce qui est anormal est normal. Mais oui, monsieur, vous avez déjà compris. Voici. Hein, pardon? Allô? Voici. Vous y, Osborne, je sais pas. Laurent? Ah oui, c'est Laurent. Voici. On dirait qu'il dit vous-y. Laurent, vous-y. On avait des Hein? Non, c'est pas Laurent, vous. Ouais. On est déjà en retard. Ça fait 25 minutes qu'on parle. Ouais, OK. Alors donc, nous avons entendu Brad Scott. Nous l'avons rencontré et puis nous vous le proposons, la preuve. J'ai trop parlé, madame. Je sais, vous allez... Amenez pas ça en justice. Je veux pas ça en cour. Parce que moi, la cour. La cour d'école, c'est pour les grands. Et moi, ben écoutez, vous me voyez, hein? J'ai l'esprit petit. J'ai l'avenir petit. Et je ne suis comme les gens, ce tout petit. Santé, travail, amour, résultat en quelques jours. Retour définitif de l'être aîné, discrétion assurée. Garantie la fin de tous vos problèmes et dans tous les domaines. Garantie la fin de tous vos problèmes et dans tous les domaines. Réconciliation précise dans ses prédictions. Attire la clientèle pour les commerçants. Provoque et renforce les sentiments. Garantit la fin de tous vos problèmes et dans tous les domaines. Garantit la fin de tous vos problèmes et dans tous les domaines. We'll be right back. dit la fin de tous vos problèmes est dans tous les domaines. Car on dit la fin de tous vos problèmes est dans tous les domaines. Car on dit la fin de tous vos problèmes est dans tous les domaines. Car on dit la fin de tous vos problèmes est dans tous les domaines. Serge Gainsbourg expérience et... Parce que il y avait une opportunité de faire une tournée avec Serge Gainsbourg. Et je me suis dit, j'ai fait... Pourquoi on te l'a demandé? J'ai fait Alain Bachung, j'ai fait Jacques Higelin. C'est dommage de ne pas faire Serge Gainsbourg quand même. Même s'il est mort. Même s'il est mort. On va le recréer. Et en fait, aussi, c'était une proposition. Quelqu'un m'a dit, si vous pouvez organiser un band, on peut aller faire une tournée au Proche-Orient. Et toi, tu peux chanter si tu veux, et tu choisis un groupe et tu fais une création qui a un côté un peu rock and roll, tu vois, britannique si tu veux, mais et tu chantes aussi en anglais et en français. Et moi, je me suis dit, c'est intéressant ça, parce que d'abord, Gainsbourg avait chanté pas mal de chansons en anglais quand même. C'est moins connu, mais il y en a plus de choses. Oui. Voilà. Oui. Anglais, français aussi. Et de toute façon, son écriture, c'est toujours. Et même sa vie. C'est l'histoire de amour pour pas seulement le rock anglais, mais aussi le dandyisme, les choses comme ça. Et pas le moindre non plus. Moi j'ai toujours été fasciné par lui aussi. Même avant de venir en France, il est connu en Angleterre, il y avait Jeté Mon Non Plus qui était voilà et après quand j'ai découvert Serge Gainsbourg en France surtout je crois que c'était avec Aux Armes etc pour moi après j'ai découvert tout le Gainsbourg évidemment Gainsbourg reggae au début oui mais le déclic pour moi c'était Aux Armes etc c'est ça. Moi je savais pas du tout que ça pouvait exister c'est-à-dire qu'on pouvait y utiliser la langue française dans cette manière et aussi à reggae en plus cette musique là c'est un de mes musiques préférées Slide Down the Road with Shakespeare tout ça il est allé quelle audace tu vois d'aller là-bas trouver les meilleurs mecs et faire ça là tu as un côté génial vraiment ce mec tu et vois c'est ça qui t'a accroché pour faire la tournée et c'est dire t'as pas de bol. Oh, j'ai pas refusé, comme elle dit, tu veux faire une tournée, chercher des musiciens. Je dis tout de suite, ok, d'accord. Et on a monté le groupe très vite. Et puis on a tout de suite compris que ça suffisait pas de faire une tournée, qu'il fallait faire d'autres trucs, qu'il fallait enregistrer un disque. Et après, on a fait plein de concerts en France, on est allé au Japon aussi. On espère continuer aussi. Enfin, ça, j'ai regretté de ne pas pouvoir venir à Québec. J'espère que ça va se faire. J'espère aussi. Parce que je sais que là, j'ai une bande qui vont aimer. C'est-à-dire je connais les goûts un peu là-bas. Je sais qu'ils aiment bien un groupe qui a. Mais pourquoi ça s'est pas fait durant les francophonies cette année? Je crois qu'il y avait plusieurs trucs. D'abord, parce que j'ai entendu en tout cas l'idée quand je chantais Gainsbourg en anglais et en français, mais pas que en français. Ça choquait un peu peut-être, genre c'est comme une transgression, je sais pas quoi. Je peux comprendre, mais en même temps, it's only rock and roll, you know what I mean? Et je pense que quelque part justement à Montréal, ça aurait été très intéressant d'avoir une espèce de spectacle de rock and roll bilingue comme ça. Ah ouais. Qui parlait de oui, qui parlait de Gainsbourg, mais avec un chanteur qui est anglophone, c'est assez bizarre, c'est assez flyé. Non, oui. Mais c'est ça qui est intéressant. Et malheureusement, ça s'est pas dû encore. Mais j'espère que ça va se faire. Ouais, j'espère que ça va se faire. On sait jamais, hein. Parce que je sais que vous aimez bien le rock and roll aussi. Mais on aime bien Gainsbourg. Et Gainsbourg et le spectacle qu'on a fait, c'est très physique. C'est très. Il y a du jazz aussi là-dedans, mais. Ça fesse dans le dash, quoi. Ça, oui, ben, c'est ça. Excellent. obèse, qui l'avait emmené à Nijinsbluk dans un cabaret où elle chantait des vieilles chansons françaises. Léonore, Éléonore, Éléonore, Éléonore. Mais elle eut vite assez des ardeurs de son gros. Après une chanson d'amour, elle lui planta un couteau dans le dos. Elle partit dans la nuit, depuis dans les rues. Pour un peu d'argent, elle danse et elle chante. Léonard, mon joli cœur, Léonard, reviens-moi. Léonard, mon prince, ne m'abandonne pas. Et Léonard, maintenant je suis là, tout près de toi. Et Léonard. Maintenant sont réunis et elles sont toujours ensemble et jamais ils ne s'ennuient. De par le vaste monde, ils voyagent sans cesse. Prague, Singapour, Istanbul, elle de plus en plus belle séduit les hommes, lui fidèle à lui-même les plumes. C'est une vie de rêve dans tous les palaces, c'est la douce folie de l'amour. Elle est cette belle nuit de fête, ils se firent sauter la tête. Maintenant au paradis, ce sont deux employés. Lui, il nettoie les éviers, elle, elle fait les lits. Elle est aussi Madame Pipi. Et quand Dieu vient pisser, elle a toujours un gros pourboire que par amour, elle donne à Léonard. Elle est Monsieur Plume, faites-moi mon côté de Saturne, car je suis con comme la lune. Oui, con comme la lune. J'aime quand sur un ton naturel tu invoques des esprits informels comme oh ma haute se tourne, oh ma haute se tourne, oh cruel King Kong, oh rêve. Oui, monsieur, merci. Ah oui, non, tu nous échappes. Je suis un... Oui, je sais. Je m'excuse infiniment. Puis-je reprendre mes esprits? Mon esprit? Esprit? Es-tu là? Si oui, cogne dans le micro. Non, mais c'est un, ben, c'est un très beau fin de mois, oui. Il ne cogne pas. Il n'y a pas d'esprit. On lui a demandé. Peut-être qu'il n'a pas compris. Il est occupé. Il y a peut-être une concubine, l'esprit. Voyons, as-tu déjà entendu qu'un esprit avait une concubine? As-tu déjà cru qu'un esprit pouvait avoir une amoureuse? Ou un amoureux, on ne sait pas. Un esprit, une esprise. Non, un esprit. Un esprit, deux prises. Deux prises, trois buffets, deux buffets à volonté. Madame de... Oui, non, c'est un but, deux buts, trois buts. On va le trois buts. On va le prébu, prébu, prébu. Oui, on hydrate. Oui. OK. On... Oui. OK. Ouais, vous me dites que ça semble étrange, là, hein? Oui, vous avez raison. Quoique votre déraison me dérange un peu. Ben, c'est normal, c'est une déraison. Si ce serait la raison, ça ne vous dérangerait point. Hey, moi, j'aime ça, des gens de même. Moi, ça me désarçonne, puis en même temps, ça m'arponne. Voyons donc, ça t'arponne ou ça te désarçonne? Oh, ya, ya, quel flippon, a waliti fiton, a lilia, pipon, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, oh, la, la, la, oh, papa, quel jabou, oh, dit, hein? T'es mal. Là, oui, moi, je fais dans toutes les atmosphères, madame. Je fais aussi atmosphère. Atmosphère, t'as une gueule d'atmosphère. Merci, madame. Vous avez entièrement raison. J'ai toutes les gueules que vous voulez bien me donner, tous les visages que vous voulez bien me faire arborer, et tous les mots que vous aimeriez bien vous voir entendre. Vous faire entendre. Allô? Oui? Est-ce que vous entendez? On n'entend rien. C'est normal. Je vous dis que si vous avez mal syntonisé ces KRL, c'est pas compliqué, là, c'est 89.1. Hey, c'est là depuis 40 ans, 89.1. Ben oui, ben je suis à 88. Là, c'est 89. 80. Pompe, pompe encore plus, on va rentrer à 80. On va s'en rendre. Allez-y, on va s'en rendre. Avant la fin de l'émission, on va s'en rendre. Hey, monsieur, qu'est-ce que c'est ça que cette émission-là? Pourquoi on tolère ça? Sur les ondes. Ouais, on t'a mis tard. On t'a mis un transistor, puis on veut plus que. On ne veut plus, excuse-moi. Oui, j'ai eu des québécismes. Madame Marois. Fromage Marois. Maroil. Soise. Mes chers oies pontificaux. Mes petits picots québécois. Mes quoi francophones. Je suis devant vous. Pêcheur, grand pêcheur, non, gros, gros pêcheur, je suis un très gros pêcheur. Moi, c'est de la, comment tu l'appelles, la brioche. Mais non, c'est quoi, c'est le brochet. Ah ouais, la brioche ou le brochet. J'ai mangé deux brioches sous un brochet. Ah, mais je l'ai garni, moi. Moi, je connais bien des farces. j'ai ouvert la gueule du brochet, hein, je lui ai dit, si tu, brochet, il répondait pas, il était mort. Hey, tu parles d'une... D'un imbécile, un brochet mort. Poisson mort, toi qui galopes dans le monde, poisson mort. Donc, c'est, lui, c'est un brochet. Brochet mort. Donc, Julien Claire l'a pas fait, celle-là. Mais, non, mais brochet mort, l'avez-vous? Non, on a poisson mort. Mais tout à l'heure, OK. Nous tenterons de vous trouver la chanson. Poisson mort. Non, c'est poisson mort, peut-être. Mais le brochet, je lui ai ouvert la gueule. Je lui ai dit, je t'ouvre la gueule, mon brochet. Prépare-toi à me mordre le visage. Là, le brochet, mais il est en train de mourir. Il était encore tout à fait mort. Quoi qu'on l'avait pêché depuis 3 heures, mais il se dédandinait la queue. Ah, c'était un vrai, hein? Moi, j'aime ça, des brochets qui tiennent à vivre. On dit, hey, toi, t'es un poisson. Dis, on est des humains. Qui est plus fort, le poisson ou l'humain? Puis le brochet dit, c'est moi. Puis, ah, ouais! On est peut-être devant un brochet anarchiste. On est peut-être devant un brochet qui sait, que l'on croit, qu'on s'imagine qu'il est plus petit que nous et que nous allons vaincre cet animal. C'est un animal? Ben, moi, je sais, ben oui, c'est un animal, c'est pas un toutou. Ben, toutou, on connaît des toutous, mon cher! Mais c'est pas des toutous comme ça, là. On peut pas les faire cuire parce que c'est des toutous. On dit, je te donne un toutou, ma petite! Oh, petit toutou, oui, c'est un brochet! Un brochet, hein? Puis il y a la senteur qui vient avec les toutous. Un toutou brochet qui pue. Oh, mon Dieu, ça fait 3 semaines qu'on l'a pêché, le toutou brochet! On va le mettre dans l'eau. La petite fille l'a mis dans l'eau. Ça, c'est du tissu. Du tissu dans l'eau. Qu'est-ce que ça fait, du tissu dans l'eau? Ben, ça se mouille. Ouais, mais après plusieurs mois, là, plusieurs semaines, plusieurs années, ben, ça pourrit. Ben, c'est ça. Et toutes les dents pourritures. À quoi on fait ces missions? Waouh. Moi, je suis en train de dire, Gaétan. On s'en est souvenu, puis on s'est dit mort. Sommes-nous... Hein? Qu'est-ce que je suppose? À quoi bon? Regarde, madame, on a synthonisé, mais c'est bon, ça, 89.1, on est sur CKRL! Depuis combien de temps? Ben là, ça fait 40 ans qu'on est à 89.0, puis on entendait des... quelquefois, puis des émissions, des chansons, de la musique. On dit, c'est très bon, hein, mais on n'est pas sur le poste! Là, il y a un animateur de comment, flatulence rénaldienne, fais-tu par exprès pour faire cette émission-là? Ben oui, souvent. OK, d'accord, on vous accorde ce choix. L'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci. Pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château. Excusez-moi, j'ai eu le château qui a berlingué vers le palais. Le palais de la vérité, le palais synthétique de la belle Birby. Et puis donc, qu'est-ce qu'il disait donc? dans le château symbolique de la francophonie, aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe dur. T'es pas sérieux, là? Dur! Alors, ton improvisation, t'en avais pas, monsieur? Oui, monsieur, ben, c'est nous. C'est nous, mais vous êtes des messieurs. Je suis, à l'intérieur de moi, comme j'ai dit tout à l'heure, plein de personnages. Oui, c'est moi, c'est nous, c'est elle, c'est lui, c'est Rénal. Alors, c'est dur. Alors, ben, en fait, ça dure depuis trop longtemps, là, cette improvisation-là. Oh. Attends un petit peu, là. J'ai voulu laisser ça de même. Là, je savais pas que la mademoiselle allait dire bonjour Rénal. L'avez-vous entendu? Bonjour. Oh. Ça va bien, toi? Ça va très bien. Mademoiselle, je tiens à vous avertir que c'est moi, le génie de cette émission. Le génie. Ben, enfin, l'éclairagiste là, qui gémit, c'est moi qui gémis en dessous de cette lampe de poche. Poche. Ah, ce que c'est. Ouais, cette émission-là est comme ça, madame. Poche. Lampe de poche. C'est bon, hein? Dites-moi, avez-vous connu Charlie? Le contraire m'a étonné. Il n'est pas une boîte qui n'est fréquentée qu'un danseur. Requiem pour un twister. Dites-moi, l'avez-vous connu à jeun? Le contraire m'a étonné. Il n'est pas une soirée qui n'est fou bourrée qu'un farceur. Dites-moi, est-il plus amoureuse de lui? Le contraire me étonne. Il n'est pas une femme qui lui a résisté. Cœur tombe. Requiem pour un twister. Requiem pour un twister. dites-moi, tout ça ne pouvait durer. Le contraire m'eût étonné. Quant à moi, je crois que c'est le cœur qui a lâché. Quelle horreur. Le Queen pour Twister. Ça fesse dans le dash, quoi. Oui, ben, excellent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec Alain Bachung, tu es venu à Montréal pour deux cartes blanches. Oui, oui. C'est-à-dire que Bachung... Mais, excusez-moi un peu... Pas de problème. Il y avait Diane Dufresne. Yann Perrault, qui était invité. Alain Bachung avait invité Robert Charlebois. Oui, oui. Et... Oui, dans la métropolis. Ah oui, exactement. C'est trop génial, ce concert était formidable. Oh oui. Diane Dufresne et Alain sur scène et tout. Enfin, il y avait tout le monde sur scène. Il y avait un moment donné, c'était. Ça déchirait. Non, c'était là, l'épouse. Hein, ça déchirait, ça déchirait. Ah oui, c'était. Et. Alain, c'est. Merci. C'est. C'est de la générosité même. Hein. Oui, quelque part, en tout cas, dans ce contexte-là, il avait vraiment une grande classe. Une grande classe. Un dentiste. Ah oui, vraiment. Ouais. Hey Brad, j'ai 10 questions. Oui. OK. Que tu vas me répondre soit en réfléchissant ou spontanément, c'est toi qui décides. OK. Et là, j'ai hâte de voir parce que, bon, si tu étais un liquide. Un quoi? Un liquide. Oh, yeah. Là, écoute, tu es devant un vin rouge ici, là? Oui, un bon Bourgogne, un très bon Bourgogne, très cher. Très cher. OK. Ouais. Alors, tu serais un vin? Un Polonie Montrachet. Ouais. OK. Oh oui. Quand même, si tu étais une ville. Oh là là. Si j'étais une ville, Naples. Naples. Pourquoi? Pour la vivacité? Je sais pas, je suis fou de cette ville. J'aimais y vivre. J'aimais y vivre en Italie et à Napoli. Okay. Ah oui. Si tu étais une langue. Ouh là là, une langue. C'est trop difficile à choisir. Hein. Je serais le latin. Pourquoi pas? Ouais. Une langue oubliée. Oui, mais qui est avec nous tous les jours aussi, quelque part. Ah ouais, qui est là derrière, tu vois. Ah oui, on descend. Et voilà, c'est la structure de peut-être de tout derrière. Ouais. Crois-tu faire un album en latin? Ah putain, ça c'est une bonne idée, ça. Ça serait intéressant, je sais pas si ça sonne bien. Ah ouais, à mon avis, il y a moyen. Oui. The story of Jesse James, of how he lived and died. If you're still in need of something to read, here's the story of Bonnie and Clyde. Now Bonnie and Clyde were in the Barrow Gang. I'm sure you all heard and read how those who spill are usually found dying or dead. They called us cold-hearted killers. They said we were heartless and mean. But I say this with pride, that I once knew Clyde, when he was honest and upright and clean. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. But the law fooled around,

difficile. Tout doucement, tu te noies. Comme un rêve, tu glisses dans l'eau noire. Et moi, sournois, je souris. De nombreuses femmes, peu à peu, te ruinent. Ta cocaïne trop pure te broie les narines. Et même si tous les soirs, dans ton cognac, je m'abîme, je serai bien plus heureux que toi. J'ai John, John, John. Tu es la reine des pauvres. J'ai John, John, John. Tu es la reine des pauvres. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. John, John, John. Tu es la reine des pauvres. J'ai John, John, John. Tu es la reine des pauvres. Ouais, tous ensemble. John, John, John, tu es la reine des pommes. jeune John, John, John, tu es la reine des pommes. Jeune John, John, John, tu es la reine des pommes. Ese señor Aguay Susan Chapeau de Pie. Je siffle un jus de papaye. Avec pie. Avec pie. C'est toujours mieux. Ese señor Aguay. Bonjour, mademoiselle. Sous le soleil du rail. Mes souvenirs m'assaillent. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et c'est Signor Aguay. Je n'étais qu'un homme de paille. Mais je crains les représailles. Que j'aille. Où que j'aille. Il y a des Guyanais qui parlent d'extradition. Mais pour moi, pas question de payer l'addition. Non, on sait pas, tu payeras pas l'addition. Un chapeau de paille. Oh, le chapeau. Je siffle un jus de papaye. Avec alcool. Avec pain. Et c'est Seigneur Gouin. Allez, les amis, chantez ensemble. J'ai gardé de mes batailles. Oh, les batailles. C'est pas beau la bataille. Croix gammée et médaille. Et c'est on est mal. Il y a toujours des Guyanais qui parlent d'extradition. Mais pour moi, pas question de payer l'addition. De payer l'addition. Et c'est Signor Aguay. Ici j'ai la canaille, la canaille qui m'obéit au doigt et à l'œil. Okay. Et à l'œil. À l'œil. C'était une époque. La belle époque. Ok. J'aime beaucoup la mode de cette période, l'élégance, le Paris de la belle époque. Ouais, tu vois. Okay. Ouais. Avec, on aurait pu rencontrer Lautrec, Toulouse-Lautrec. Oui, tout ça, voilà. Ok. C'est là que ça se passait. Pour moi, ouais. Prévert, ouais. Tous ces gens. Ouais. Si tu étais un mot. Un mot. Amour. Amour, ben oui. Pourquoi pas aujourd'hui avec la discorde, avec... Amour. Avec amour. Le chaos, oui, effectivement. Si tu étais un aliment? Le pain. Oui. Ah, le pain, la fraternité. Oui, bien sûr. Et moi, j'adore le pain. Quoi. Vraiment. C'est une des raisons pourquoi je suis à Paris. Ben oui, mais t'es d'ailleurs, dans l'endroit pour... Dans mon quartier, il y a 4 boulangers magnifiques, tu vois. On est gâtés, quoi. Est-ce que tu restes dans le coin? Dans mon quartier? Non, mais ici, soit tu restes dans quel coin à Paris? Moi, je suis dans le 20e. OK. Ah oui, OK. Place Saint-Fargeau, voilà. Vous voulez voir Mortier dans ce coin-là? Oui, c'est... À côté du cimetière. Exactement. OK. Le mur des fédérés, tout ça. La commune. Vive la commune! Si tu étais une saison? Printemps. Moi, je suis pour le printemps. Je suis né en mars, et puis pour moi, le printemps, c'est l'espoir, c'est le... c'est la renaissance, c'est tout ça, voilà, c'est la vie. Ah oui, effectivement. C'est un avant-goût de l'été. Oui, d'ailleurs, tout est devant nous. Oui, si tu étais un membre corporel. Ouh là là. On passe à minuit quelques corporel, heures. La main, quoi. Okay. La main, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Tout ce qu'on arrive à faire... La musique, les caresses, l'art. La main, c'est l'instrument le plus sophistiqué qu'on a. Vraiment. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Très, très humaniste aussi, la main. Oui, aussi. Oui. Si tu étais un moment de la journée. Ah oui. J'aime bien me coucher au lit, tu vois, après une journée où j'ai passé une bonne journée et que j'ai hâte de me réveiller le lendemain et tout ça, mais avec un bon livre, avec ma chérie, avec tous les enfants couchés. Alors c'est assez c'est 21h, 22h? Ah, j'aime bien, j'aime assez bien des fois comme ça, me coucher tôt, avec toute la famille, pas dans le même lit, mais j'ai pas mal d'enfants maintenant, tu vois. Ils sont tous dispatchés dans leur chambre. Moi, j'ai un bon livre. Mais c'est rare pour un musicien de ce chasseur-là, quand même. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, moi, j'aime bien... je profite vraiment de la vie à la maison. Hein. Je suis assez casanier. J'aime bien jouer, mais j'aime bien aussi quand... Tu commences à te trouver bien avec ta famille. Et je joue avec ma famille aussi. Je fais de la musique avec eux. OK. Il y a un album à venir, sans doute? Ben, ça va venir, okay, oui, j'espère. The Scott Family. Yeah. Si, oui, pourquoi pas. Si tu étais un autre individu. Voilà. Je ne peux pas poser ces questions-là. Je trouve que c'est trop... ça demande trop de réflexion. Ça m'éclate la tronche. Okay. Voilà. Okay. Si j'étais un autre individu, ben, je pense que... Pour vivre autre chose, il faudrait être genre une femme noire ou quelque chose comme ça. Alors, laquelle là-bas? Rihanna, tiens. Quand Marie-Lou danse reggae, ouvrir baguette et prodiguer, salutation distinguée. Quand Marie danse reggae, quand Marie danse reggae, au bord climax vers le gay, ah oui, hein. Changer vitesse, changer braquet, décoller avion braqué. Quand Marie danse reggae, elle et moi plaisir conjugué. En Marie Lou moi seringué, faire mousser en meringue dans la tronche. Devant là, attention, comme disait Brel, quand Marie Lou danse, j'arrive, quand Marie Lou bien réplique, jamais épilogué, record à corps homologué, quand Marie Lou danse, reggae, petit détail à divulguer, en petit nègre dialogué, après la mort pissée saqué. Ah ouais. Bah pas moi. En fait, je ne m'en rappelle plus. Thank you. Jim Morrison et Renfrey Nadine, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. À la brigade de Stup, je suis tombé sur des cops. Ils ont cherché mon spliff. Ils ont trouvé mon paf. Je m'éclaterais bien comme ça. Oui, c'est ça. À choisir, est-ce que tu prends le même chemin? Ouh là là, sans doute pas. Okay. Parce que beaucoup de choses dans ma vie se sont arrivées par, par hasard. Et par hasard, comme disait Gainsbourg. Et voilà, oui, par hasard, oui, c'est vrai. Et des choix, des choses, j'avais pas l'impression de choisir à ce moment-là. C'est comme si la vie choisit, tu suis, tu vois. Et quelque part, je trouve ça, c'est bien de vivre comme ça aussi, quoi. Et donc, j'assume mon destin et j'espère que mon destin m'assume, quoi. Voilà. Mais tu modifierais certaines choses. Sans doute, ah oui, j'ai fait quelques erreurs. Hein. Mm-hmm, ben on en fait tous. Hein. Oui. C'est ce qui nous grandit. Sans L'erreur est humain, comme ben on oui, dit. Ben oui, ben oui, mais c'est ce qui nous grandit, hein. Sinon, c'est comme ça. Et la vie d'artiste est très compliquée, très compliquée. Surtout en 2012. Hein. Oui, surtout aujourd'hui, bien sûr, où quelque part on est devenu... enfin, la marginalité des artistes est encore plus forte que jamais, quelque part. Pour faire ce qu'on fait, il faut être dingue, en fait, quelque part. Ouais. Genre, ouais, parce que nous, on n'a pas de protection sociale. Non, on en a, et tu sais, en fait, de moins en moins, en plus, tu vois. Ouais. Il y a, en France, il y avait avant... un régime très, comment dire, favorable. Avant la crise, surtout. Sarkozy et la crise, ça arrive en même temps. L'histoire de chômage, d'indemnisation au régime assadique, ça a changé. Et en même temps, il y a moins de travail. Et en même temps... avec sans doute aussi en même temps, on est moins payé aussi. Oui, Internet, les choses sont... tous les budgets sont crevés. Les disques qu'on peut trouver gratos sur Internet. Mais maintenant, il faut faire son disque toi-même. Et en même temps, comment tu vas le vendre? Parce que personne n'achète les disques. C'est fini. On peut piquer des chansons, c'est ça qui est on peut juste aller sur YouTube, écouter ce qu'on veut. Pourquoi on va acheter? En plus, vu que les gens n'ont pas le sou... nous, c'est un produit vraiment de luxe. Personne n'a besoin de ça pour vivre. Alors, le mieux, c'est de faire des spectacles, peut-être? Faire des spectacles, oui. Trouver des plans. Tout le monde trouve des plans. Et la musique de film, les pubs. Devenir un espèce de touche-à-tout qui peut aussi travailler sur des commandes. On fait beaucoup ça, maintenant. Hein? C'est-à-dire que... quelqu'un te demande de faire un spectacle de adapter ses chansons quelque chose comme ça ça arrive aussi quoi. Ça arrive souvent Oui, ça m'est arrivé. Ok. Déjà, j'ai quelques musiques pour toi là. Vas-y. Là, c'est Gul de Boa. Ok. Ça, c'est quelqu'un avec qui un ami avec qui un camarade même avec qui je travaille depuis des années. Ok. J'ai produit deux disques de lui là. J'ai eu la consommation sur le dernier disque. Okay. Et c'est un mec qui n'est jamais allé au Québec. Il faut absolument qu'il va là-bas. Ben écoute, on va diffuser. Donc, oui, le public pourra entendre. Pense que tu vas aimer ça. Je pense que les gens vont aimer ça. Vraiment. Okay. C'est un mec formidable. Okay. Ça, c'est un disque. Oui, mais c'est ça. Je voulais en venir à cet album-là avant de nous quitter. Ah oui. OK. Ça, c'est ton premier album. Oui. Mais est-ce que Gainsbourg Experience fait partie d'un premier album et lui, ce serait le deuxième? Pas exactement, mais il y a beaucoup les mêmes musiciens. OK. Mais là, on a terminé ce disque maintenant. Okay. Il y a 5 nouveaux morceaux et ça va ressortir bientôt. Et voilà. Mais Gainsbourg Experience, c'est aussi... c'est toi qui l'a créé, c'est toi qui l'a... Ouais, j'ai fait le casting, disons. OK. Fait le casting. Et là-dessus, c'est toi qui as vraiment tout fait. Oui, c'est moi qui ai réalisé ce disque. Ouais. OK. As-tu écrit les paroles? As-tu... Les paroles, c'est... un monsieur qui s'appelle Pierre Berville. OK. Donc là, c'est je suis interprète. OK. Voilà. Et la musique, c'est de toi? Oui. OK. Et ça sonne comme... Oh là là! Si vous le définir... Il y a plein de choses différentes là-dedans. Il y a un côté Rolling Stones, des fois. Il y a un côté un peu Gainsbourg, parfois, peut-être. Il y a... des chansons un peu manouches, il y a des chansons un peu comme Nino Ferrer, tu vois, c'est Mirza, des trucs comme ça. Voilà, ça parle dans ces sens-là. Tu dis merde, j'ai quand tu râles. Calme, ma petite cocotte. Sais-tu, ma petite fille, quand la vie n'est pas l'antidote, celui qui est aux manettes, à la régie finale, une nuit, me rappellera dans les étoiles. Ce jour-là, je ne veux pas que tu sanglotes. De l'art qui varie suivant mon humeur suprême et jamais ne laisse place au hasard. Il n'y a pas de deuxième chance pour les voleurs de courte minute. Faites monter la soupape, placez le joint latex, briquez le bouchon rotatif et chérissez l'aluminium. Mais un jour viendra où trois fois, hélas, un vigile mouse me démasquera, me mettra les pinces et ce dégueulasse appellera les schmitts et leurs faces de rat. Je prendrai 10 ans pour la récidive, 10 années au frais calme les ardeurs. Les kleptomanies les plus maladives ne résistent pas à de douceur. Il n'y a pas de sourcils pour les voleurs de cocotte minute. Cocotte minute. Je suis un voleur de cocotte minute au rayon petit électroménager des grands magasins. Langue de pute jusqu'à mode les cocottes, c'est le prix du danger. She only a fa walks to count her steps. 18 she strides and she stops to abide by the law that she herself has set. That 18 steps is one complete set, and before the next 9 right and 9 left. She looks up at the blue and whispers to all of the above. Don't let me drown, don't breathe alone. No kicks, no bangs, no broken bones. Never let me sink, always feel at home. No sticks, no shanks, and no stones. Never leave it too late, always enjoy the taste of the great, great, great, great world of hearts. As all dogs have freeway, bark, bark, bark, bark. It's worth knowing, like all good fruit, the balance of life is in the ripe and ruin. I just came to tell you that I'm leaving. And all your tears won't change anything. As the poet says, an ill wind is blowing. So I just came to tell you that I'm going. You think of the good times and you cry, suffocating your face appear. Now your hour is nigh, but it's goodbye forever. And I'm sorry to tell you, but I'm going away. Yes, I loved you once, but hey, I just came to tell you that I'm leaving. And all your tears won't change anything. As the poet says, an ill wind is blowing. So I just came to tell you that I'm leaving. Alors merci, Brad Scott. You think of the good times and you cry. Ah oui. Suffocating your face so pale. Now your air is mine. Goodbye forever. And I'm sorry to tell you, de dire que je m'en but I'm going away. Car tu m'en as yes, trouvé. I loved you once, but hey. Alors je suis venu te dire que je m'en vais. Comme disait Cyril, Berlin, novembre mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Je vois tes larmes, je ne peux m'entendre. Je vois cette guitare qui n'arrête pas de s'étendre. C'est pas septembre, non, c'est septembre. Oh. Et c'est dû à jamais. You think of the good times, but you cry. Je suis au rêve. Suffocating your face so pale. À présent, now the hour is night, but it's les adieux à jamais. Goodbye forever. Je suis au regret. Sorry to tell you, mais tu dis que je m'en vais. But I'm going away. Car tu m'en as trop fait. Yes, I loved you once, but hey. Est-ce que cet album-là a pris du temps à se préparer? C'est quoi? C'est le travail d'une vie ou... Non. On pensait que t'avais de la musique dans... Non, c'était vraiment... ça s'est passé très rapidement, en fait. Ah oui? Oui, oui. Mais parfois, on est prêt, tu vois, et après, après ça se passe vite. On a mijoté, donc on est prêt à... Voilà, exactement. À présenter. Ouais. Et ça, c'est... Ça, c'est Mr. Lear. OK. Que tu as fait sur France Inter. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est une émission de France Inter que je te confie. Oui, OK. Ah oui. Et tu as le droit, je pense. C'est le mec Serge Vaillant, je ne sais pas si tu le connais. Oui, sous les étoiles, exactement. Voilà, donc il nous a fait un spécial Mr. Lear. OK, oui. Et Mr. Lear... Mais ça ne fait pas longtemps, ça fait deux mois. Voilà, non, ça c'était, je crois que c'était en décembre. OK, comme ça. Oui, en décembre 2011. Oui, normalement, oui. OK, oui. Mais on joue régulièrement et ça c'est une... groupe assez avant-garde parisien, si tu veux. Il y a aussi Joseph Rakai qui était le grand Joseph Rakai. Oui, Joseph Rakai, oui, qui est en arrière de plein de musiciens. Déjà, c'était l'arrangeur de Fantasy Militaire dans la Bachelet, justement, mais aussi avec moi dans le Ukulele Club et tout ça. Pour nous, on se connaît depuis des années. Ouais. Les voisins. Ah, vous êtes voisins? Oui, oui. Ah, OK, alors c'est facile. Oui, un grand ukuléliste aussi, voilà. Okay. Et il y a Eric Taffany, percussion, il y a Patrick Fournier, accordéon, et Emma à la basse. Mathieu Chédid. Non, Emma. Okay, Emma Forman. Okay. Non, c'est une fille, à la base, c'est ouais, toujours au Péon. Ah, ben, mais elle joue pas dans Gainsbourg? Non, ça c'est ma femme. Ah, c'est ta femme qui joue qui dans... chante. Qui ah, chante. Ok, oui, oui. Ben, ah, j'ai oui. vu des vidéos, donc c'est elle. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est ok. Elle. Ah oui, oui, oui. Ben, je dis, puisque je suis sage Gainsbourg, je vais, ben, oui, je vais chanter avec ma femme quand même. Gainsbourg et Birkin, là, c'est ouais. Scott et sa... Et sa copine. Oui, quand même, ma okay. femme, ma femme. Oh, ta femme, oui. Ah, oui, oui, Madame Scott. Non, Madame Scott elle-même. elle est passée à Montréal, je crois, hein, avec toi à un moment donné pendant oui, oui. Alain Bachon, que je vous ai croisé sur Tout à fait. Catherine. C'est vrai, ça. Ah, avec oui, eux oui. même, il y avait une petite fille, avec un enfant. Avec, mon fils. Ah, ton fils, ok, un petit George. Voilà. Oui, oui, absolument. Il devait avoir à peu près 5 ans. C'est ça, c'est oh, ça. Oui. T'as du bon, mémoire, là. Ben, oui, mais c'est là que j'ai rencontré Yann Péchin. Ah oui, oui. Et comme je t'ai croisé, je t'ai dit salut, tu m'as dit salut. Puis, ah oui, oui, oui. Ouais, t'as continué d'aller faire le son avec Alain Bachon. Et il y avait Diane Dufresne. Donc, vous alliez travailler des chansons que tu faisais. Ah oui, oui, oui. Et elle avait fait Oxygène. Donc, Ah oui, non, mais je m'appelle ça. C'était incroyable. Ah, c'est incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça sur scène. Hein. Elle a mis le feu, hein, vraiment. Elle a 60 ans. C'est elle incroyable. A 60 ans. Ah, j'ai vu une. C'est... Qui a posté ça? Une image d'elle dans les années 70 où elle est seins nus. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Et oui. Puis. C'est toi bien j'arrive. Voilà, ouais. C'est ça. Exact. Avec des ballons, puis les ballons s'envolent et tu la vois nue. Ah oui, oui. Ben, oui. C'est pas nue, elle a non, du elle long, a un jean, elle a un jean. Oui. Mais elle est seins nus avec les feux de lys qui partent de oui. ses. Oui. Mais en fait, c'est pas nu, c'est du nylon. C'est pas, c'est... Ah oui, c'est ah oui. Ça, oui, mais on croit lorsqu'on est de loin que les... ah. qu'elle est nue, mais elle est pas nue. Ah. Donc, mais c'est merveilleux, hein? Quelle histoire. Oh, ouais. Quelle histoire. C'est... Elle a ah, travaillé mais... avec Higelin aussi. Ah oui, je sais. Elle ouais. a fait la mise en scène. Higelin a fait sa mise en scène. Ah, donc, ouais. c'est des personnages qui se croisent comme ça. Hein? C'est la grande famille. Et Gainsbourg lui a écrit une chanson qui s'appelle Suicide à Diane Dufresne. Ah, je connais pas ça. Oui, en 82. Ah, il faut que j'écoute ça. Extraordinaire. Ouais, tu peux trouver ça sur YouTube. Suicide. Et c'est, OK. Ouais, c'est d'accord. Assez hallucinant. Hey, écoute, je suis très heureux que tu aies passé à mon émission. Ben, moi aussi. Très. Je salue d'ailleurs tous mes amis là-bas. Oui. Et j'espère bientôt pouvoir apprendre les rues de Montréal et pourquoi pas les rues de Québec ben, et oui, les rues de Trois-Rivières et les rues de Chicoutimi. Sherbrooke, Trois-Rivières. Oui, et tout le reste parce que moi j'aime bien là-bas. Et puis même l'hiver, je m'en fous. Je mangerai bien un bon lard au. La poutine. La poutine, oui. Ou les lards comme avec les haricots, comment ça s'appelle. Ah, oui, oui, oui, nous autres on appelle ça des beans. Des beans, oui, ouais, oui. Des fèves au lard. Ah, fèves au lard, oui, ah, j'adore oui. ça. Oui, oui, oui, c'est très copieux, c'est très bûcheron aussi. Ah, oui, oui, ah, oui. Oui, on offrait au bûcheron parce qu'il travaillait fort. Donc, ah, oui, ouais, même, j'ai gardé de très bons souvenirs de Lac Saint-Jean aussi oui, une fois. Oui, c'est, oui, le Lac Saint-Jean, c'est un endroit où on boit pas mal. Oui, on a fait la fête. Oui, oui, c'est l'endroit pour faire la fête. Et non, c'est super spay. J'ai envie de retourner. Allez. Ben écoute, on se revoit là-bas. OK. Avec tes enfants et ta femme. Yeah, that would be parfait. Absolument parfait. Puis, hey, merci, je vais diffuser ça avec grand plaisir. OK. Ben, bonne écoute. Ben merci. Et on se revoit bientôt sur... sur la planète francophone. Exactly. OK. Cheers. S'en trouve sûr Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de mélodie. Paper.